Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. En 1970, le philosophe Michel Foucault effectue un séjour au temple Seiyoniji, dans le département de Yamanashi, au Japon, pour mieux comprendre la pratique du zen. Un rédacteur de la revue bouddhiste Shunju enregistra certains entretiens que Foucault accorda aux bonzes. En ce qui concerne les souvenirs de mon premier séjour au Japon, j'ai plutôt un sentiment de regret de n'avoir rien vu et rien compris, affirme le philosophe. Cela ne signifie absolument pas qu'on ne m'avait rien montré. Mais pendant, et aussi après que j'ai fait le tour pour observer beaucoup de choses, j'ai senti que je n'avais rien saisi. Pour moi, du point de vue de la technologie, du mode de vie, de l'apparence de la structure sociale, le Japon est un pays extrêmement proche du monde occidental. Et en même temps, les habitants de ce pays me semblaient, sur tous les plans, beaucoup plus mystérieux par rapport à ceux de tous les autres pays du monde. Ce qui m'a impressionné, c'est ce mélange de proximité et d'éloignement. Est-ce que tout philosophe occidental en terre japonaise fait la même expérience que Michel Foucault? Est-ce que tout occidental au Japon ne serait pas dans la peau de Bill Murray, souvenez-vous, dans le film de Sofia Coppola, Lost in Translation? Mr. Bob-san, anata wa shosai ni yukkuri to sowatte imasu. Soshite table no ue ni wa Suntory whisky ga arimasu. Wakarimasu ne? Kanjou komete ゆっくりとカメラを見て、優しく、そしてあなたの古い友達に会うように言ってください。カサブランカのボギーのように、君の瞳に乾杯。サントリータイム。 Il veut vous tourner, vous regardez caméra. OK? C'est tout ce qu'il a dit? Oui, oui. Hey, 本番! 本番! 用意! Stop! Prenez le temps de vous détendre un peu.Prenez le temps d'un Suntory. Cato, cato, cato, cato! Bonjour Michael Lucan. Bonjour Adèle. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Vous êtes historien, directeur du Centre d'études japonaises de l'INALCO, qui est l'Institut national des langues et civilisations orientales. À vos côtés se trouve Clélia Zernik. Bonjour à vous. Bonjour Adèle. Vous êtes philosophe et professeur d'esthétique à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. C'est en votre compagnie que nous allons essayer d'élucider une question pour cette émission qui vient ponctuer notre série d'émissions sur le Japon. Y a-t-il ou non une philosophie japonaise? Je voudrais assumer d'emblée la position occidentale qui est, sinon la nôtre, du moins la mienne. Alors je ne dis pas qu'on est, sommes tous des Bill Murray quand on parle du Japon, mais en tout cas les connaissances en termes de philosophie du Japon sont très peu partagées en France. J'aimerais que vous nous disiez l'un et l'autre quels sont vos liens avec ce pays et surtout quelles sont vos connaissances de la pratique et l'enseignement de la philosophie au Japon aujourd'hui. Michael Lucan. Oui, je suis de mon côté un historien qui, après s'être intéressé aux images, de plus en plus a le sentiment qu'il faut revenir au texte et que simplement se contenter des images ne permet pas de changer les points de vue ici. Parce que, au fond, même quand on explique les images, quand on présente le contexte de fabrication, les gens ont souvent l'impression qu'il n'y a rien derrière et qu'il n'y a pas cette dialectique entre le texte et l'image qu'on retrouve partout ailleurs. Et donc, depuis une dizaine d'années, je m'intéresse beaucoup, au fond, au discours d'esthétique, au discours critique, ce qui m'a amené vers la philosophie. Et dans cette perspective-là, j'ai travaillé sur différents auteurs du XXe siècle qui m'ont permis de comprendre la profondeur de cet univers philosophique au Japon. J'entends l'univers moderne au XXe siècle, depuis la fin du XIXe siècle. Clélia Zernik. Alors moi, je suis venue au Japon par le cinéma, comme beaucoup d'ailleurs, par le cinéma d'Ozu. Et le cinéma d'Ozu, il se caractérise notamment par sa surface qui est extrêmement travaillée, extrêmement composée. Et la première fois que je suis allée au Japon, je pensais pas du tout être attachée à ce pays, être saisie et me retrouver presque chez moi. Pour reprendre la problématique du texte que vous avez lu en ouverture, me retrouver un peu chez moi, et à la fois très loin, mais plutôt, je dirais, pour reprendre l'ouverture assez célèbre de L'autre face de la Lune de Claude Lévi-Strauss, de l'autre côté justement de la face de la Lune, donc chez moi, en miroir en fait. Pourquoi on se reconnaît et on se reconnaît pas au Japon? Parce qu'on est chez soi, mais tout est inversé, tout est à l'envers. Ce que dit Michel Foucault dans le témoignage que j'ai lu, c'est ça. Oui, à la c'est fois, ça, c'était chez lui, mais tout était complètement différent. Différent et à l'envers, me semble-t-il. Et concernant la philosophie, je ne sais pas si Michael Lucan aura la même impression que moi, c'est que la philosophie occidentale s'est construite à partir de Descartes. Enfin, moi, dans mon cursus de philosophie, Descartes, c'était le moment central. Et il me semble, d'un point de vue très en survol, comme ça, en première approximation, on peut dire que la pensée japonaise a justement éludé le moment cartésien, c'est-à-dire le moment de la distinction du sujet et de l'objet, me semble-t-il. Après, d'autres choses se sont construites. Il y a eu effectivement des rencontres, mais tardives. Mais dans ce qu'on pourrait appeler la vulgate de la philosophie japonaise, il n'y a pas ce moment structurant qui est, selon moi, le moment cartésien. Mais est-ce que l'expression de philosophie japonaise a un sens, Michael Lucan? Pour moi, elle en a absolument. Pour resituer un tout petit peu mon propre parcours, je ne suis pas parti d'une passion pour le Japon. En fait, je n'avais pas de passion spéciale pour ce pays. J'étais plutôt dans une logique pratique. Je voulais apprendre une langue pour pouvoir faire du commerce à une époque où je me disais que j'allais vendre des tableaux et pouvoir faire comme ça fortune avec les Japonais. C'est évidemment quelque chose qui a échoué. Et c'est véritablement, au fond, en pratiquant la langue et en étant capable de parler avec les gens, puis surtout capable de lire les textes, que j'ai réalisé qu'en fait, il y avait une passion qui se mettait en place, parce que il y a une différence qu'évidemment j'ai sentie et que je sens encore. C'est quelque chose qui est spontané, je crois, que l'on perçoit quand on se rend au Japon depuis l'Europe. Mais au fur et à mesure qu'on est capable de comprendre, on découvre, au fond, énormément de points communs, d'enchevêtrements, de pensées, ce qui m'amène évidemment à dire qu'il y a un nombre important de philosophes au Japon, il y a une communauté philosophique considérable. Si on prend la Société de philosophie japonaise aujourd'hui, il y a 1800 membres. Enfin, dans toutes les universités japonaises, on enseigne. Vous voyez, enfin, comment dire, il y a des centaines d'universités au Japon et elles ont peu à peu été établies à la fin du 19e siècle, exactement sur un modèle comme ici, aux États-Unis ou en Europe. Et dans toutes ces universités ont été fondées, dans les grandes en tout cas, des cursus de philosophie. Mais on commence par quoi? On commence par les Grecs. Hein. Mmh. Et puis ensuite, on va faire Descartes et Kant. Et puis éventuellement, en deuxième année ou en troisième année, quelqu'un pourra en option prendre de la philosophie indienne ou de la pensée chinoise. Donc, les réactions qui vont pouvoir avoir lieu plus tard par des philosophes qui voudront réinterpréter leur propre tradition se fait toujours par rapport à un socle qui est en tout cas largement partageable, commun avec ce qu'on connaît ailleurs. Mais là, il faut faire un petit point d'histoire de la philosophie au Japon, parce que lorsqu'on s'interroge sur l'existence d'une philosophie japonaise, on ne se demande pas, parce que cela va de soi, si les Japonais étudient la philosophie. Évidemment, et vous faites bien de rappeler le chiffre, mais la question n'aurait pas de sens. La question est de savoir s'il y a une fabrication des concepts japonais aujourd'hui dans ce pays. C'est-à-dire, est-ce que les Japonais aujourd'hui étudient la philosophie dite occidentale? Ou bien est-ce qu'il y a des philosophes japonais qui proposent une pensée qui n'est pas une traduction de philosophie préexistante et qui est intégrée dans une certaine culture, dans un certain pays, dans une certaine époque? Mais à partir du moment où déjà on dissocie le monde grec et le monde romain du monde occidental, ce qui quand même est une position qu'on peut facilement faire depuis qu'on sait qu'il n'y a pas de continuum entre la période antique et la période moderne, qui a eu en tout cas une coupure et ensuite des réinterprétations massives. On se dit que les Japonais ont été capables de faire la même chose. Et de fait, ils ont traduit du grec et du latin à peu près tout le corpus qui existe. Il y a quasiment l'équivalent des collections Budé et Loeb en cours de fabrication actuellement au Japon. Et Être et Temps a été traduit 6 fois en japonais avant même d'être traduit en anglais. Non, je sais que vous savez, c'est pas pour vous que je le dis. Et il y a un nombre d'exemples de ce type considérable. On a donc affaire à une production intellectuelle qui est massive et qui, je crois, ne peut pas se réduire à simplement la mention occidentale. C'est pas quelque chose qui est occidental. Ça pioche, ça utilise des références qui viennent de nombreux endroits, bien sûr des Grecs, bien sûr des Romains, bien sûr d'Allemagne, bien sûr de France. Pour autant, il y a évidemment aussi l'utilisation de concepts liés au bouddhisme ou liés au confucianisme, au taoïsme. Alors comment expliquez-vous qu'il soit si peu connu en France, Clélia Zernik? Alors pour répondre un peu de manière humoristique ou un peu décalée à cette question de la philosophie japonaise, j'ai un ami photographe très connu, Naoya Takeyama, qui me disait que lui, non, la philosophie contemporaine japonaise, ça n'existait pas pour deux raisons. C'est que déjà, philosophie, c'était Tetsugaku. Tetsugaku, ça veut dire philosophie occidentale. Donc philosophie occidentale japonaise, ça ne voulait pas dire grand-chose. Et puis secondement, je le cite, les Japonais sont très sérieux. Donc, ils ont très bien lu Hegel et ils ont donc entendu que la philosophie en était arrivée à sa fin, donc il n'y avait pas de philosophie contemporaine. Donc, ni philosophie contemporaine, ni philosophie japonaise. voilà. Bon, ça, c'est une manière, une pirouette un peu pour ne pas répondre. Bah oui, mais si, en même temps, ça permet de questionner le terme même de philosophie. Peut-être que c'est celui-là qui n'est pas approprié pour qualifier la pensée japonaise, la production de pensée contemporaine au Japon. Alors, je crois que le terme de Tetsugaku a été construit et n'a pas d'histoire très longue, a été construit vers 1860, au moment précisément où les textes philosophiques arrivaient en masse au Japon. Et en fait, il y a eu une sorte, il n'y a pas eu de maturité comme ça, de maturation de la pensée philosophique, mais tout d'un coup, au moment de Meiji, hein, tout est arrivé d'un coup. Mais donc, c'est-à-dire que ça fait 200 ans que ces textes considérés comme des classiques en Europe sont arrivés au Japon, c'est ça? Grossièrement. Voilà. Alors, le terme Tetsugaku n'est pas la traduction littérale de philosophie. Hein. Ça ne veut pas dire philosophie japonaise. C'est un terme qui utilise un concept chinois, mais qui a été utilisé pour spécifiquement essayer de rendre approximativement, impurement, japonaisement, le mot philosophie ou philosophia ou quelle que soit la langue source venue d'Europe. Juste histoire de chaque fois, c'est ma tentative constante d'essayer de casser l'Occident parce qu'évidemment il y a différentes sources, il y a l'anglais, il y a l'allemand, il y a le français, il y a le grec. On peut chaque fois... Ah oui, l'existence même de l'Occident est fracturer tout ça. Donc, sujet au même questionnement. Il faut commencer par ce questionnement, commencer par ce découpage parce qu'autrement on est toujours ramené à ce bloc Occident versus reste du monde, en l'occurrence ici Japon, et on se retrouve avec ces pensées qui conçoivent la philosophie fondamentalement comme une ethnologie, et c'est pas quelque chose dans lequel moi je me retrouve. Oui, d'ailleurs là on peut citer, si on s'éloigne du Japon un instant, un texte que vous aviez proposé, Michael Duquesne, pour cette émission, un texte sur la philosophie africaine de Paulin Untonji, qui s'interroge sur l'existence d'une philosophie africaine. Et j'avais posé la même question à mes invités il y a quelques années, lors d'une série sur la philosophie africaine, et les réponses différaient autant d'ailleurs que cette semaine, et peut-être que les vôtres. Et le texte en substance dit ceci, hein, il dit la philosophie africaine est pour nous une certaine littérature. Cette littérature existe, c'est indiscutable, elle prend corps dans une bibliographie qui ne cesse de s'enrichir depuis bientôt 30 ans. Mais notre philosophie réside pour l'essentiel dans cette analyse, dans le discours laborieux par lequel nous tentons jusqu'ici de nous définir, discours dont nous devrons alors reconnaître le caractère idéologique et qu'il ne nous restera plus qu'à libérer, au sens le plus politique du terme, pour en faire un discours théorique, indissolublement philosophique et scientifique. C'est le geste même qui consiste à s'interroger sur l'existence de cette philosophie qui en lui-même, proprement définit, la philosophie africaine. C'est une manière de définir par la méthode, en fait, Michael Duquesne. Oui, je crois. Et moi, je me reconnais très bien. En tout cas, je reconnais très bien ce que j'observe au Japon. C'est pour ça que j'ai mis tout de suite l'emphase sur les structures, parce que c'est-à-dire les universités, la capacité à se fédérer dans des associations de philosophes, le fait qu'il y ait énormément de revues de philosophie au Japon, de publications, évidemment, de philosophie, de traduction de la philosophie du monde entier, et pas seulement du reste occidental. Au sens large, mais on va aussi trouver des Africains, par exemple, qui vont être traduits en japonais. Bref, il y a un effort qui part d'une méthode et qui aboutit à un champ qui est extrêmement vaste, extrêmement éclaté aussi, parce qu'il ne faut pas croire que tout le monde pense la même chose parmi les philosophes japonais. Il y a de la philosophie analytique, il y a de la philosophie marxiste, il y a de la philosophie de type phénoménologique, il y a bien des philosophies au Japon. Alors, quels sont les philosophes qui sont davantage étudiés au Japon, de vos expériences respectives, Clélia Zernik, quand vous allez... Récemment, j'ai participé à un colloque sur Watsuji. Qui est Watsuji? Alors, Watsuji, c'est un philosophe qu'on peut rattacher à l'école de Kyoto. Il est surtout le contemporain du grand nom de l'école de Kyoto, qui est Nishida. Alors là, il faut nous expliquer. L'école de Kyoto, qu'est-ce que c'est? Alors, l'école de Kyoto s'est développée, comme son nom l'indique, à Kyoto, et autour donc de la pensée de Nishida, qui essaye de concilier, me semble-t-il, la pensée zen et les instruments de pensée occidentaux autour de la notion de néant, autour de choses comme ça. Alors moi, je connais davantage Watsuji, et ce qui est intéressant dans Watsuji, et notamment dans sa pensée du milieu, ou Fudo, c'est que précisément, il... Alors ça, c'est ce qu'on retrouve souvent dans la pensée japonaise, pas toujours, mais assez souvent. Et c'est pour ça que j'évoquais le non-passage par le moment cartésien, c'est-à-dire que chez Watsuji, il n'y aura pas de distinction du sujet et de l'objet. Le milieu, c'est précisément un entre-deux, entre le sujet et l'objet. L'exemple qu'il prend, c'est quand on sort dehors et qu'il fait froid. Et il dit « nous sentons le froid ». Sentir le froid, ça ne veut pas dire connaître ou viser le froid comme un objet extérieur. Nous n'avons aucune connaissance du froid, indépendamment de ce sentiment de froid. Et de la même manière, nous avons conscience de nous-mêmes comme refroidis, presque. Et donc, on est dans un entre-sujet et objet. Et même ce qu'il dit, il dit « nous sentons le froid ». Il ne dit pas « je sens le froid », c'est-à-dire que nous sentons, tous les individus qui sont là, à ce même moment, sentent en même temps le froid. Et dans Fudo, me semble-t-il, il y a à la fois air et terre, et donc la meilleure traduction, plutôt que milieu, ce serait plutôt atmosphère. Donc on ressent l'atmosphère d'un climat, mais aussi l'atmosphère au sens affectif. Et donc être, quand il fait froid, ben on ressent tous ensemble ce froid, et donc ça crée un corps collectif, nous dit-il. Mm-hmm. Donc on passe, si vous voulez, du sujet à l'objet. La distinction sujet-objet est dépassée, et on se retrouve dans une sorte de corps collectif, de corps commun, qui éprouve un même sentir à la fois sensible et affectif. Et, voilà. Donc il y a toutes les distinctions, la distinction entre l'individu et la société, la distinction entre le sujet et l'objet, entre la pensée, si vous voulez, et le corps, qui sont dépassés dans ce sentir le froid. On reconnaît ici l'influence de ce qu'on appelle, en tout cas en France, la phénoménologie, qui est l'abolition de la pensée qui distingue le sujet d'un côté et l'objet de l'autre. Michael, je crois que c'est tout à fait ça. Et du reste, le parcours d'un intellectuel, d'un philosophe comme Watsuji, va tout à fait dans le sens de ce qu'on observe en Allemagne ou ailleurs, parce que c'est quelqu'un qui est allé à l'université où il a étudié la philosophie, mais la philosophie, comme je le disais tout à l'heure, en commençant par les Grecs, puis en passant par la philosophie allemande, et il s'est intéressé beaucoup à Nietzsche, à Eucken, et c'est dans un second temps, à un moment où il est un petit peu plus mature, qu'il ressent aussi une sorte de frustration, sans doute, par rapport à ce rapport qu'il a à l'Occident, qu'il va faire ce travail. À un moment où, justement, en Europe, la phénoménologie arrive, il rencontre la pensée de Heidegger, il se rend en Allemagne. Bref, c'est un processus qui me semble tout à fait parallèle à ce qu'on connaît en Europe, en Allemagne en particulier, et qui, de ce point de vue-là, est difficilement réductible à une japonité essentielle. On est évidemment dans un dialogue avec des penseurs occidentaux, mais réduire ça ensuite à une essence japonaise me semble un contresens complet. Bien sûr, il y a une réaction, il y a constamment réaction à la pensée, et Clédia Zernik a raison de le dire, qu'on va trouver chez un certain nombre de penseurs japonais des réactions à la philosophie, on va dire, monologique de l'Occident cartésien. C'est vrai, et c'est extrêmement producteur de discours. Mais en même temps, on pourrait dire qu'il y a aussi des spécialistes de Descartes au Japon. Hein. Et inversement, des détracteurs de Descartes en France et en Occident. Et des détracteurs de Descartes en Occident. Donc. Mais alors, restons un instant cette question du fudo, c'est ça ce qui signifie le milieu. Je vous propose qu'à cette table nous rejoigne une troisième personne, en tout cas par la voix. Il s'agit du traducteur de ce texte, Augustin Berck. Dans ce livre, fudo, qu'on peut traduire par milieu en français, Watsuji commence, dès les premières lignes, il introduit un concept très fort, c'est celui qui, en japonais, fudose, que je traduis par médiance, et qui signifie, Watsuji le définit comme le moment structurel de l'existence humaine. Moment, c'est à comprendre au sens de la philosophie allemande qui a dérivé de la mécanique, vous savez, c'est une force de mouvoir, ou disons un couplage dynamique. C'est le couplage dynamique de deux pans ou deux versants de l'être, dont l'un est individuel, et l'autre est un milieu. Alors comment comprendre ce milieu? Disons qu'il est à la fois technique, symbolique et écologique, éco-techno-symbolique. Et chez Watsuji, c'est fondamental, c'est central. Cette idée-là est contenue dans le terme même de être humain, en japonais, ningen, où ning va représenter le corps individuel animal, et gen va représenter les relations qui, couplé avec le premier terme, font l'existence humaine. Michael Duquesne, est-ce que le terme de fudo, comment prononcez-vous? Fudo. En japonais, est-ce qu'il le sens de ce terme restitué par le terme de milieu. Oui, moi je ne le traduis pas comme ou ça. Ou médiance, et alors, moins, encore moins par médiance. C'est un terme qui est très courant. Parce que la question de la traduction est japonaise. Déterminante. Alors, je ne dis pas que milieu n'est pas un terme qui existait dans les années 20-30, les géographes l'utilisaient, mais c'est un terme qui, à cette époque, a quand même une résonance qui est assez proche de la Heimat allemande. Il faut bien avoir ça en tête. C'est donc, on est quelque part assez proche de, je ne sais pas, du terroir, hein, ou de climats et terroirs, parce que le premier caractère, c'est le vent, c'est donc l'atmosphère, comme disait Clélia Zernik, puis le deuxième, c'est le sol, c'est la terre. Donc, je crois que cette tonalité-là, elle est importante aussi à prendre en compte. Donc, comment est-ce que vous le traduirez, alors ? Alors, je passe parfois par terroir, je passe parfois par climats et terroirs. Je peux aussi utiliser milieu quand on est dans un registre plus scientifique, spécialement géographique, par exemple. Parce que parler de la philosophie au Japon, en tout cas, pose une question redoutable, qui est celle de la traduction en philosophie. Et je renvoie au travail qu'a fait ici en France Barbara Cassin, le dictionnaire des intraduisibles, dictionnaire européen des intraduisibles. Il faudrait l'équivalent dans le monde entier, évidemment. Je crois que c'est un projet qui est en cours, parce que là typiquement, ce type de concept, on peut parler d'un concept, je pense, pour Fudo. Comment faire si nous n'avons pas les termes appropriés pour évoquer la même chose ? C'est tout le sens qui nous glisse entre les doigts, Clélia Zernik. Oui, alors dans Acheminement vers la parole, le dialogue entre Heidegger et le japonais, il y a justement cette idée que l'allemand, donc Heidegger, n'arrête pas de dire, mais j'ai l'impression que tout échappe, parce que précisément nous utilisons toujours des mots allemands pour parler de la pensée japonaise, du japonais, et que donc nous ne pouvons pas, le dialogue est impossible. Alors ce qui est amusant dans ce dialogue, c'est qu'il prend le japonais prend comme parallèle le cinéma, oui, et dit c'est comme le cinéma, vous avez vu Rashomon, le film qui vient de sortir à l'époque, et ben je trouve que ce film n'est pas réussi, il est trop réaliste, et le monde japonais ne peut pas être saisi par cette technique qu'est le cinéma, parce que le cinéma, comment il dit, il objective le monde, hein, il fait devenir objet le monde, et précisément le monde japonais ne peut pas devenir objet. Et donc le cinéma japonais est forcément mauvais, ce qui est ironiquement extrêmement drôle, vu qu'on connaît les réussites multiples du cinéma japonais. Alors il y a aussi Tanizaki qui disait qu'il aurait fallu une autre machine pour faire du cinéma au Japon, qui ne s'appuierait pas sur le principe de la lumière, mais qui s'appuierait sur le principe proprement japonais de l'ombre, et qui donc il ferait une technique spécifique pour représenter cinématographiquement le Japon. Alors on voit bien qu'il n'y a pas du tout d'impossibilité de filmer le monde japonais, que les films japonais sont extrêmement réussis, extrêmement sensibles. Hein, Kore-eda, le dernier, palmé à Cannes, est donc japonais. Et donc je pense qu'on peut dire la même chose aussi du dialogue, et que si les mots sont effectivement des obstacles pour rendre compte de la réalité, je pense quand même, et Michael Lucken peut-être pourra préciser, qu'on peut quand même se comprendre. Michael Lucken. Oui, je crois une expérience qu'on a tous fait quand on essaye soit, par exemple, de faire un travail d'interprétation ou de traduire des textes, ou simplement de discuter avec des personnes dans un domaine qu'on maîtrise mal, on voit bien que la communication est très très difficile, et que littéralement on ne se comprend pas, et qu'on a l'impression d'être fondamentalement, ou en tout cas assez très étrangers les uns aux autres. Alors que quand on a une capacité à vraiment faire circuler les mots, faire circuler les concepts. J'ai en tête des interprètes absolument extraordinaires qui sont capables de rendre des pensées parfois un peu confuses dans une langue d'une limpidité totale. On voit bien que cette question de la traduction, elle est absolument au cœur. Le japonais et le français sont des langues qui sont très différentes en termes de structure. C'est un effort considérable pour bien les maîtriser l'une et l'autre quand on n'est pas né dans ce double héritage. Donc je crois vraiment qu'il faut d'abord continuer à traduire, continuer à apprendre les langues. On ne le fait pas assez en France. On est trop fermé sur notre propre horizon. On a tout à traduire du monde extra-occidental. Dans le dialogue que vous évoquiez, Clélia Zernik, composé par Heidegger dans Acheminement vers la parole, le dialogue entre lui-même, Heidegger, et le japonais, pointe ce problème de traduction, et notamment il dit à un moment ceci, Heidegger dit, le nom aussi bien que ce qu'il nomme vient de la pensée européenne, de la philosophie, c'est pourquoi la visée esthétique ne peut au fond que rester étrangère à la pensée d'Extrême-Orient. Le japonais répond, vous avez sans doute raison, et pourtant nous autres japonais sommes contraints d'appeler à l'aide l'esthétique. Dans quel but ? Elle nous procure les concepts nécessaires pour saisir ce qui vient à nous comme art et comme poésie. Edgar dit « Mais avez-vous besoin de concepts ?» Il répond « Selon toute vraisemblance, car depuis la rencontre avec la pensée européenne, une incapacité de notre langue est venue au jour. Comment cela ? Eh bien, il lui manque la force de définition, grâce à laquelle des objets peuvent être représentés les uns par rapport aux autres dans un ordre clair, c'est-à-dire dans des relations mutuelles de hiérarchie et de subordination. » Autre question d'Heidegger, pensez-vous sérieusement que cette incapacité soit un défaut qui appauvrisse votre langue ? Réponse, dès lors que la rencontre du monde extrême-oriental et du monde européen est devenue inévitable, votre question exige certainement d'être examinée à fond. C'est là où l'enjeu se trouve. C'est précisément dans cette absence de termes pour désigner un certain rapport au monde qui est au fondement même de toute entreprise philosophique et de création artistique. Dire que ce mot-là n'est pas partagé, alors certes, on peut traduire, on peut se comprendre, mais on passe à côté de l'essentiel. Il y a quelque chose de tragique dans l'échec même d'une traduction. Moi, j'aurais envie de dire deux choses. Il y a d'une part quelque chose, on va dire presque, en effet, qui a quelque chose de tragique. Ce sont toutes ces langues qui se sont retrouvées face à la puissance des langues européennes au 19e siècle, début du 20e siècle, qui s'étaient constituées, rénovées depuis déjà quelques siècles, où elles étaient passées du stade oral au stade écrit, elles avaient s'étaient réappropriées tout l'héritage grec et romain, et par conséquent, elles avaient une puissance conceptuelle considérable. Quand on parle, par exemple, on est locuteur du Kikuyu, je pense à Ngugi wa Thiong'o, par exemple, dans « Décoloniser l'esprit », cet ouvrage qui est quand même un des grands classiques de la littérature africaine contemporaine, on voit que cette entreprise de transcrire en Kikuyu la pensée, ne serait-ce que des mythes locaux, est un effort considérable parce qu'il n'y a pas les mots. Il faut tout faire, il faut tout construire. Donc on imagine bien qu'au Japon, aussi au 19e siècle, et même au 20e, des gens comme Tezuka, autrement dit l'interlocuteur de Heidegger dans les années 50, avaient ce sentiment encore qu'il fallait, entre guillemets, renforcer la langue, construire la langue. L'incapacité de sa propre langue à nommer certaines choses. Parce que on a encore une incapacité à comprendre les enjeux, à associer des concepts. On n'a pas la profondeur historique pour comprendre que tel concept qu'utilise Heidegger est en résonance avec Kant, est en résonance avec les Grecs. Il suffit pas simplement de mettre des mots. Il y a derrière des fils entiers qu'il faut renouer. Et ce travail prend un temps considérable. Ça, c'est la première chose. Et les Japonais l'ont fait. Et puis la deuxième, c'est vrai que dans cette rencontre entre la philosophie occidentale et toutes les pensées qui, comme le Japon, proviennent d'un monde qui quand même était non monologique, ou en tout cas où la dimension non monologique était forte, a entraîné quelque chose de l'ordre d'un contact violent. Un choc. Ça ne veut pas dire qu'au Japon ou dans d'autres pays, il n'y ait pas une aspiration à la pensée monologique. La pensée monologique, elle est extraordinairement puissante. Qu'est-ce que vous appelez monologique ? J'essaye de parler de pensée monologique pour ne pas parler de pensée qui serait héritée de la théologie monothéiste, c'est-à-dire une pensée de l'un, une pensée de l'unicité de la raison, de l'unicité de la logique, éventuellement de l'unicité des origines. Enfin, ce sont des choses qu'on a beaucoup eues dans la pensée de la philosophie du 19e. Bref, quand on se retrouve en venant de cultures qui ne sont pas dans cette tradition que j'appelle monologique, il y a un choc extrêmement violent. Pour autant, elle fascine cette pensée-là parce qu'elle est extrêmement efficace. Elle est puissante. Et donc, il ne faut pas nier, par exemple aux Japonais, l'envie de maîtriser la pensée monologique, la philosophie occidentale, voire éventuellement la religion, le christianisme. Il y a beaucoup de Japonais qui se sont convertis au christianisme au début du 20e. Quel Lazernik ? Il me semble qu'un grand pan de la philosophie japonaise a pris conscience d'elle-même précisément dans la rencontre avec la pensée occidentale, les concepts occidentaux. Alors peut-être on peut prendre deux exemples. Eugène Herigel, le penseur allemand, donc qui était professeur, je crois, invité à l'université du Tohoku dans les années 30 et qui suivait des cours de tir à l'arc. Et donc, il y avait un maître de tir à l'arc, un maître zen de tir à l'arc, et qui, le maître zen lui apprenait, il devait tirer sans viser. Alors, il comprenait pas ce que ça voulait dire, tirer sans viser. S'il avait une cible, il devait viser. Et ce que lui apprenait le maître de tir à l'arc, c'est que la cible devait entrer en lui. Il devait y avoir coïncidence entre le centre qui est lui et le centre de la cible. Et donc, ne pas introduire de distance entre le sujet et l'objet. Et pour le prouver, c'est quand même l'anecdote est jolie, il a tiré dans le noir et il a visé. Il a dit, j'ai pas pu, enfin, il a eu la cible. sans viser, puisqu'il était dans le noir. Il a dit, dans le noir, j'ai pas pu viser. Donc, vous comprenez bien que viser et la distance, la notion de distance, elle ne compte pas. Tout est un travail de coïncidence entre la cible et soi-même. Et en fait, il se trouve que le professeur qui a invité Monsieur Erigel au Japon est un des penseurs du zen qui a mis en forme le zen. Donc cette mise en forme du zen, elle s'est faite en confrontation avec la non-compréhension de cet universitaire allemand qui disait « mais je comprends pas comment je peux tirer sans viser, comment je peux tirer sans viser, c'est pas compréhensible ». Et en fait, c'est de cette non-compréhension-là que la mise en forme s'est opérée. On pourrait dire la même chose de Dogen, qui était absolument... Dogen, c'est un moine bouddhiste zen du 13e siècle, qui n'était pas du tout connu de son temps, mais qui a refait surface grâce à Watsuji notamment, mais Watsuji lui-même armé des concepts occidentaux. Donc c'est dans la confrontation avec ces concepts dont peut-être ils avaient effectivement besoin que ces mythes en forme, pourrait-on dire, une pensée, une philosophie japonaise. Mais vous parlez de la philosophie du zen, enfin même du zen. Qu'est-ce que c'est le zen ? C'est la méditation, hein, le terme lui-même, chan, zen, chan en chinois, zen en japonais, c'est la méditation. Et donc ça vient, c'est une spiritualité qui vient de Chine. Oui, il y a évidemment des origines indiennes. Donc cette rencontre qui se passe, en fait ce qui se passe au Japon, cette rencontre entre une spiritualité chinoise, indienne et des connaissances occidentales qui arrivent depuis 200 ans, et c'est comment en fait ingérer, voire digérer ces apports de connaissances dans un même pays. Oui, absolument, et du reste c'est fascinant de voir Suzuki, donc je pense qui est ce personnage auquel faisait référence Clélia Zerny, qui a été le grand introducteur du zen en Occident, et à lui-même à l'origine est un angliciste, et traducteur de Swedenborg en japonais, et par ailleurs président de la loge de théosophie Tokyo. Donc on a là un univers qui est extraordinairement labile, on est dans des pensées de mystique tout à fait caractéristiques du début du XXe siècle. Les premiers mots qui viennent à l'esprit quand on parle de philosophie dite orientale, pour prendre un terme encore plus large, qui peuvent venir à l'esprit aussi quand on parle du zen ou de philosophie dite bouddhiste, ce sont les mots de vide, de négativité, de néant. Quand on regarde le livre, un recueil de textes qui s'appelle « Philosophie japonaise », composé et disponible aux éditions Vrin, les trois mots-clés qui apparaissent, ce sont le néant, le monde et le corps. Dans quelle mesure est-ce que ces termes de vide, de néant, de négativité sont en effet déterminants pour saisir la structure même de la pensée dite japonaise, Michael Luken ? Disons que là, ça nous emmène du côté du bouddhisme. Et je suis moins compétent de ce côté-là. Pour le bouddhisme, c'est une notion absolument centrale. Mm-hmm. Et c'est vrai que les philosophes, à partir de la fin du 19e siècle au Japon, ont beaucoup puisé dans cette tradition de pensée, dans cette tradition religieuse, à une époque de crise hein, du religieux. Parce qu'il ne faut pas oublier que la fin du 19e, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a eu fin 18e, début 19e en Europe, avec, comment dire, l'abandon de la pensée sotériologique, où au fond, la pratique du bouddhisme n'est plus une nécessité. On peut soi-même croire directement en le Bouddha Amida ou en tel ou tel auteur, et le fait de chaque matin réciter un mantra devient anecdotique. Donc on a eu le même processus de spiritualisation du bouddhisme qu'on a eu en France avec le christianisme. Clélia Zerny ? Sur le néant, moi non plus, je ne suis pas tout à fait compétente, mais c'est plutôt par le passage de... Essayer de contourner le langage aussi. Je pense que ça me semble aussi très, très important, cette nécessité finalement... comme on l'a vu aussi un peu avec le Fudo, c'est d'un être ensemble qui se passe un petit peu de mots, plutôt que discourir, créer une police, plutôt revenir à l'Urps, la ville dans ce qu'elle a d'urbain. Et justement, ce qu'évoque aussi Watsuji dans sa pensée du milieu, c'est ça sur le langage, ça me semble assez intéressant. C'est que on sort, il fait froid, et la première chose qu'on va dire à la boulangère, aux gens qu'on rencontre, c'est qu'est-ce qui fait froid ce matin. Ça sert à rien de dire ça. Tout le monde le ressent ce froid. C'est redondant. Et pourtant, ça crée du lien de dire ensemble, on est dans le même froid. On fait partie. On est dans le même milieu, dans le même groupe, dans le même corps. Et pour revenir à Ozu, qui a été un peu mon un introducteur à la pensée ou au monde japonais. Il y a un film qui prend justement cette question du langage vide et de la vanité du langage. C'est le film qui s'intitule Bonjour, Ohio, où c'est des petits garçons qui veulent absolument avoir une télévision et leurs parents leur refusent la télévision et ils décident de faire la grève du langage, affirmant que les adultes ne font qu'échanger des paroles creuses comme il fait beau aujourd'hui, j'ai froid ce matin, que des banalités qui ne servent à rien. Et le professeur d'anglais précisément dit que ce sont peut-être des paroles creuses, mais ce sont les lubrifiants de la société. Donc ça sert à faire corps social précisément. Donc bon, le néant, moi ça reste abstrait pour moi. pour mon rapport particulier au Japon, mais une manière de contourner le langage me semble assez juste et essentiellement par le corps. Hein. Effectivement, tous les arts martiaux, il faut savoir que ce sont en même temps des pensées. Hein. Les maîtres d'arts martiaux sont de grands penseurs et réciproquement, il y a beaucoup de grands professeurs qui sont aussi maîtres d'arts martiaux. Mais ce que vous dites sur ce lubrifiant de la société, c'est intéressant, cette manière de créer un lien pour vivre ensemble, pointe vers une dimension un peu plus politique. Et là, si on pense à une autre figure de philosophe qui a beaucoup compté au Japon au XXe siècle, on peut parler de Nakai, Michael Lucas. Alors Nakai est un auteur sur lequel j'ai beaucoup travaillé. On ne peut pas dire que ce soit une figure majeure du champ philosophique au XXe siècle. Il est en train d'être... Il y a certaines phases au cours desquelles... En tout cas, il a vécu la première moitié du XXe siècle. Absolument, il y a certaines phases au cours desquelles il a été important dans les années 60, à l'époque des mouvements contestataires. C'est un grand lecteur de Marx. C'est surtout un grand lecteur de Kant, de Cassirer. Il est aussi passé par Heidegger et il a lu Marx, et en particulier surtout ses écrits de jeunesse, et il a réfléchi sur la question de l'aliénation. Donc c'est un auteur extrêmement intéressant qui aujourd'hui fait l'objet d'une redécouverte. On va écouter un de ses élèves, quelqu'un qui a étudié avec lui, qui s'appelle Karatani, lors d'une conférence à Stanford. La révolution bourgeoise a résulté en une plus grande centralisation du pouvoir. Le peuple est devenu la puissance souveraine à la place du roi dans les États modernes. Alors qu'ils n'étaient que des sujets sous une monarchie absolue. Et c'est grâce à ça que la monarchie absolue formait une base pour la nation. Mais d'un autre côté, la nation est aussi forgée sur une idée imaginaire de communauté agraire qui s'est perdue dans la transformation vers une société d'échange de marchandises. C'est comme ça que le trio capital-nation-État est apparu. Le capital, la nation et l'État sont complémentaires. Donc il est inutile de s'attaquer à un seul de ces trois concepts. Comment les dépasser? C'est la question. Lorsque Karatani en appelle à dépasser cette trilogie capital-nation-État, il s'exprime en anglais à l'université de Stanford. Il est un acteur de ce qu'on pourrait appeler la gauche contestataire au Japon. Tout ce qu'il dit pourrait être dit par un philosophe contemporain français. Oui, pourquoi est-ce que ce serait surprenant au fond? Ben justement, précisément. Il y a, je crois, aucune surprise à avoir. C'est quelqu'un qui a un ensemble de références qui peuvent être absolument partagées avec un philosophe français. Ils se rencontrent souvent. Karatani a discuté, a échangé avec Derrida, notamment à plusieurs reprises. Donc c'est quelqu'un qui, bien sûr, hein, fait partie du monde un peu... internationalisé de la philosophie. Kila Zernik. Oui, alors la prétention de la philosophie, c'est une prétention d'universalité. Donc c'est vrai que parler de régionalisme de la philosophie, ça pose toujours problème. Alors il y a une temporalité, il y a une histoire régionale de la philosophie. Là où il y a la spécificité japonaise entre, c'est dans son histoire, elle n'a pas la même histoire. Il n'y a pas la même histoire occidentale de la philosophie que l'histoire japonaise de la philosophie, mais à terme, une fois que les connaissances sont un peu égalisées, effectivement, ou en tout cas uniformisées, c'est pas une question du tout d'hiérarchie, uniformisées, on tend tous au même discours universel et on tend à s'entendre aussi. C'est ça, on tend à s'entendre et je crois que c'est de cette manière qu'on peut comprendre aujourd'hui le concept d'universalité. C'est pas l'universalité triomphante de l'Europe du 19e siècle. On est maintenant sur autre chose, c'est-à-dire c'est une capacité à s'entendre les uns les autres avec évidemment des impuretés dureté, avec des moments de l'arsène où on a l'impression de pas exactement être sur la même longueur d'onde, mais où on arrive quand même avec certes, des fois des compromis qui sont pas très agréables, et l'utilisation de l'anglais parfois est un peu agaçante. Mais bon, je crois qu'il y a vraiment une capacité aujourd'hui à communiquer. C'est ce que j'aime beaucoup dans le monde contemporain. Mais croyez-vous vraiment que la philosophie soit absolument indissociable de l'idée même d'universel? Parce qu'il y a beaucoup de courants philosophiques, quel que soit le pays, qui mettent en avant un certain scepticisme, un particularisme, voire même un singularisme, une pensée du singulier qui ne peut jamais totalement communiquer avec autrui, et encore moins s'insérer dans un groupe collectif. On pourrait tout à fait distinguer les deux et avoir une vision peut-être moins irénique de la philosophie comme étant l'expression d'une raison comme celle qu'on louait au XVIIIe siècle, où la raison suffisait pour atteindre la connaissance et faire que tout le monde vive en bonne entente. Le monde contemporain dans lequel vous aimez vivre, Michael Luquet, nous donne aussi des preuves quotidiennement des problèmes que cela pose et peut-être de l'impossibilité d'atteindre cet universel. C'est vrai aussi, mais travaillant sur le Japon, je suis confronté quotidiennement au contraire, à savoir à une sorte de polarisation des espaces, hein, et au rejet du Japon dans un ailleurs radical avec un grand A fait que je suis conduit à l'inverse, à essayer de montrer que non, il y a des passerelles, il y a des connexions qui sont pas parfaites, qui sont impures, qui engendrent parfois des mauvaises compréhensions, mais c'est ma condition historique qui m'amène à avoir ce point de vue. Donc c'est un choix que vous faites, de croire en l'universel. C'est pas forcément un choix, c'est aussi, comme je le disais à l'instant, ma condition historique. C'est-à-dire quoi, la condition historique ? C'est-à-dire ce que la réalité historique de notre situation ici en France par rapport aux pays extra-occidentaux et Japon, au Japon en particulier, m'amène à me situer, ça me détermine. Parce que prôner l'universel parfois peut se faire aux dépens d'un particularisme qui lui-même peut avoir ses charmes. On parlait des intraduisibles, peut-être faut-il préserver des intraduisibles, peut-être faut-il préserver et mettre en avant certaines singularités qui ne sont pas entièrement ressaisissables par le langage dont que nous employons. Est-ce qu'au fond, les singularités, les différences n'émergeraient pas mieux une fois qu'on a fait un travail de rapprochement, plutôt que de les opposer a priori? Mais on peut dire qu'elles sont différentes sans les opposer. On peut sortir d'une vision manichéenne des choses. Il n'y aurait pas la raison d'un côté et puis, l'intuition de l'autre, l'Occident d'un côté, l'Orient de l'autre. Encore faut-il avoir regardé en détail et en contexte dans quelle mesure elles le sont différentes, ce qu'on ne fait pas, en tout cas vis-à-vis de beaucoup de philosophies à travers le monde. Je pose cette question-là parce que dans le texte, l'extrait du dialogue entre Heidegger et le japonais que j'ai lu, Clélia Zernik, à un moment, le personnage japonais dit bien « Nous sommes, nous autres japonais, contraints d'appeler à l'aide l'esthétique ». Comme si l'esthétique était une espèce de bouée de secours pour venir pallier les insuffisances du langage. Nous n'aurons pas les concepts, mais nous avons heureusement un autre recours pour nous exprimer. C'est ce que j'avais envie de répondre à votre question sur l'universel. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, je pense quand même que la philosophie peut-être pas doit conduire à une universalité, à une nécessité absolue, mais en tout cas doit permettre d'argumenter, donc de créer un lieu d'argumentation où les arguments s'échangent et sont entendus. C'est par contre le rôle, me semble-t-il, et de l'art, et de la poésie, et de la littérature, de faire émerger ces différences, de, comme vous dites, d'évoquer les charmes des différences entre différents pays, différents lieux, et de les faire résonner et de leur donner toute leur grandeur. Oui. Mais est-ce qu'on peut segmenter les choses ainsi? Vous distinguez la philosophie d'un côté de l'esthétique de l'autre. Est-ce que je dis ça? Est-ce que vous parlez beaucoup de cinéma, vous enseignez aux Beaux-Arts, je l'ai dit en début d'émission, dans le cinéma exprime des visions du monde qui ont en elles-mêmes une teneur philosophique. Il n'y a pas d'un côté la rédaction de concepts et de l'autre la fabrication mais de films. Il y a l'objet qui est là, qui a ses singularités, et après il y a le langage qui va permettre d'élucider avec des mots, avec des instruments qui sont eux neutre en termes justement d'esthétique et qui vont permettre d'élucider ces objets. Je distingue pas, il y a pas de distinction, mais quand on fait de la philosophie, on fait pas du cinéma quand même. Voilà. Après, il me semble que la philosophie est un instrument. Quand je fais de l'esthétique, justement, la philosophie devient un instrument pour élucider, analyser un objet, un film, un tableau. Oui, alors l'esthétique, ça pose un peu problème, parce que l'esthétique, c'est une philosophie. Hein. C'est pas l'art, l'esthétique. Hein. Donc quand il dit l'esthétique, je sais pas ce qu'il entend exactement, je sais pas si le japonais entend un discours philosophique sur l'art ou l'art. C'est un peu différent. Le discours philosophique sur l'art, il prétend là aussi à une forme alors d'entente plutôt que d'universalité. En revanche, l'art déploie les particularismes. L'ikebana, l'art de l'arrangement floral au Japon, je pense, n'a pas vraiment d'équivalent en France. Hein. Non, il n'a pas. On peut distinguer, opposer ou penser de manière complémentaire la philosophie d'un côté et l'esthétique de l'autre, enfin, ou l'expression artistique de l'autre. L'expression artistique, c'est différent que l'esthétique. Oui, l'esthétique serait le discours sur l'art, de la part de la philosophie, alors que la création artistique elle-même n'est pas forcément accompagnée d'une théorie. Dans quelle mesure est-ce que l'approche philosophique telle qu'elle est enseignée au Japon aujourd'hui se retrouve, je pose la question autrement, se retrouve dans la culture même japonaise? C'est-à-dire, est-ce que cette spécificité de l'approche aux textes dits occidentaux qui ont été traduits, qui sont ensuite ressaisis par les philosophes japonais contemporains, se retrouve dans d'autres domaines que la philosophie aujourd'hui? Michael Lucan, par exemple. Oui, je crois. Et là, c'est vrai qu'il y a quand même une polarisation qu'on peut mettre en avant en faisant bien attention de savoir de quoi on parle et de bien, comme le faisait Cléa Zernik, rapprocher l'esthétique de la philosophie. Mais si on fait ce travail-là, bien sûr, au Japon, il y a d'une part, et je crois l'avoir suffisamment mis en avant, un travail conceptuel, un travail de définition, de concept, de positionnement aussi, qui peuvent être d'ordre politique, fait par des philosophes. Et ça génère très souvent aussi quelque chose qui est un peu en miroir, parce qu'il y a cette tension qui est très forte, me semble-t-il, au Japon, des formes qui vont vouloir prendre le contre-pied de ce qu'on appelle la philosophie, en particulier du point de vue occidental, et qui vont essayer de chercher autre chose, qui vont essayer de déconstruire, qui vont essayer de déployer. Donc, de ce point de vue-là, bien sûr, je vois des formes artistiques. Des formes, vous voulez dire, artistiques ? Oui, des formes artistiques dans tous les domaines qui vont travailler cette unicité supposée de la philosophie à l'occidental. Vous pensez à qui en particulier? Il y a vraiment, c'est dans tous les domaines. Oui. Moi, je pense qu'effectivement, les artistes japonais ont voulu se comprendre comme singuliers, hein, souvent. Alors, c'est assez connu, c'est la pensée, la mise en forme de la production artistique de Takashi Murakami, donc qui a... Takashi Murakami, c'est une sorte de Jeff Koons à la japonaise, mais il dit justement pas ça. Il dit, nous, on n'est pas une sorte de particularisme du pop art. Le pop art japonais s'est développé pour des raisons essentielles et intrinsèques. Développe dans un catalogue qui s'intitule Le Super Flat, un autre catalogue qui s'appelle Little Boy, et qui explique que cette tendance à assimiler à l'art tout ce qui relève des animés, de la subculture, des bandes dessinées, des dessins animés, vous évoquiez Miyazaki dont on parlait hier. Donc toute cette subculture, elle est intégrée à l'art et elle se retrouve sur une surface plane. C'est le super plat. Alors le super plat, ça, il y a plusieurs significations dans le super plat. Tout d'abord, c'est comme une fenêtre d'ordinateur que vous ouvrez et tout d'un coup, il y a tous vos anciens fichiers qui se retrouvent emboîtés les uns les autres. Donc, c'est une manière de non hiérarchiser l'art et le non-art, l'art haut et l'art bas. Pour le Japon, il n'y a pas de distinction, si vous voulez, entre la subculture et la haute culture. C'est aussi renvoyé aux écrans super plats, puisque c'était à l'époque des années 2000. Aux années 2000, la télévision, tout d'un coup, devenait plus qu'un écran, devenait une pure surface. Elle était plus cette boîte volumique qu'on avait avant. Donc, c'est l'idée d'un écran super plat. Et puis, c'est surtout l'idée que le Japon, depuis toujours, n'a pas connu cette perspective. Cette construction en profondeur avec un point de fuite qui permet d'unifier l'espace et d'étager dans un espace unifié les différents plans de la représentation, mais à au contraire tout ramener à la surface. Et si nos auditeurs ont vu l'exposition Jakuchu, hein, ça se voyait très très bien dans l'exposition Jakuchu, et Takashi Murakami se revendique de la filiation avec Jakuchu. Jakuchu, il y a des coques qui sont représentés, il y a plusieurs coques sur une même peinture, et tous les yeux sont très très présents, et donc ça crée une multiplicité de points. Mmh. Il n'y a pas un point de fuite visé à l'infini, mais au contraire, il y a une série de centres, et l'image n'est pas construite en profondeur, mais elle va être scannée de haut en bas, comme pure surface. Et ça, pour Murakami, c'est une spécificité japonaise, hein, depuis toujours, l'histoire de l'art, est plate, enfin renvoie à la platitude, à la surface pour le Japon, et donc s'oppose. Ça paraît plus facile de définir la spécificité japonaise en art qu'en philosophie, voilà, visiblement, quand je vous écoute. Michael Lucas, un dernier mot. Très, très étonnant, quand on prend cet exemple, cette pensée à l'inverse, parce que je suis tout à fait d'accord avec Lénia Zernik, cette dimension, elle existe, cette volonté de refuser la perspective qui serait quelque chose d'occidental face à un art japonais qui serait frontal et qui superposerait les couches, cette pensée à la technologie japonaise en matière d'appareils photo. Le Japon est quand même le grand pays de la production photographique. Et ces photos que l'on fait et que l'on tire, je vous assure, elles ne sont pas plates comme les œuvres de Jakuchu. Si vous avez un étagement de plan, il est absolument rendu. Il y a une indexation de chaque point conformément à la logique de la perspective. On est dans un univers technique, moderne. Et je crois que ça nous montre bien, quand on pense à le poids économique de la photographie au Japon, que c'est peut-être de ce côté-là que les véritables enjeux se trouvent. Eh bien, peut-être l'occasion d'une autre émission lors d'une autre série. Merci à tous les deux, Michael Lucan et Clélia Zernik, d'être venus nous parler aujourd'hui, puisqu'on a fini avec le rôle des artistes et de l'art japonais. On se quitte en chanson, une chanson japonaise, on va avec, du côté de la pop, enfin on dirait de la country même japonaise, Shukushikina. La chanson s'appelle Asai Ojizan, pardonnez mon accent. Écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure de retrouver Anastasia Colosimo pour son journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Le 4 octobre dernier est paru aux éditions POL un livre intitulé « Emmanuel Carrère, faire effraction dans le réel ». Il s'agit d'un livre collectif qui recueille plusieurs contributions individuelles dont chacune examine sous tel ou tel aspect l'œuvre d'un écrivain, en l'occurrence Emmanuel Carrère. Celui-ci s'est imposé depuis plusieurs années comme l'une des figures majeures de la littérature française. La revue américaine Paris Review pouvait ainsi écrire à l'automne 2013 « Les Français, qui sont comme chacun sait très prompts à se diviser en matière littéraire, semblent tous s'accorder sur un point, qui est qu'il y a peu de grands écrivains en France aujourd'hui, mais qu'Emmanuel Carrère est l'un d'eux. » Tout cela est très bien. Mais en quoi cela concerne-t-il la philosophie ? On sait qu'en France, la frontière entre la littérature et la philosophie n'est pas si claire que cela. Nos grands philosophes sont aussi nos grands écrivains, que l'on songe à Montaigne, à Pascal, à Voltaire et Rousseau, ou au prix Nobel de littérature attribué à Bergson en 1927. Camus, Simone de Beauvoir et surtout Sartre furent les dernières figures à vouloir concilier dans leur personne le philosophe et l'écrivain. Mais déjà chez eux, il s'agissait de deux pans distincts de leur travail. Il y avait d'un côté leur grand livre de philosophie sérieuse et de l'autre leurs romans, leurs pièces de théâtre, leurs autobiographies. Si les grands philosophes de la génération suivante ne se déclaraient plus écrivains, ils restaient chez eux, d'une part un effort en direction du style ou de la mise en forme littéraire, si l'on songe aux dernières pages du livre « Les mots et les choses » de Michel Foucault, ou à l'étrange typographie de Glas, de Derrida, et d'autre part la volonté de commenter de manière philosophique des œuvres littéraires, ce qui nous a donné les textes de Derrida sur Joyce ou sur Celan, ou ceux de Deleuze sur Kafka, Proust ou Melville. Emmanuel Carrère, lui, ne se prétend pas philosophe. Pourtant, son œuvre, la réussite indéniable de celle-ci et le succès qu'elle rencontre posent des questions aux philosophes. En quoi consiste son originalité ? Carrère avait déjà écrit des ouvrages marquants, « La moustache » ou sa biographie de Philippe K. Dick, mais c'est avec l'adversaire qu'il trouve sa voie en 2000. Il nous raconte ce fait divers qui avait passionné la France 7 ans plus tôt, la vie de Jean-Claude Roman, un homme qui a menti à toute sa famille pendant 18 ans, en leur faisant croire qu'il était médecin alors qu'il ne travaillait pas, et qui, sur le point de voir son secret révélé, a assassiné sa femme, ses deux enfants et ses parents. Carrère raconte avec autant de précision qu'il peut l'histoire de cet homme. Mais, et en cela il innove, il raconte aussi la façon dont lui-même, Emmanuel Carrère, en est venu à s'intéresser à cette histoire et la place que l'enquêteur a eue dans l'enquête. C'est le sillon qu'il poursuivra dans tous les livres qui suivront. Raconter le monde et se raconter lui-même au milieu de ce monde qu'il décrit, dans un va-et-vient qui est précisément ce que ses lecteurs aiment chez lui. Ainsi, la première question philosophique que pose l'œuvre de Carrère est celle de la fiction. Son originalité tient à ce qu'il mélange deux genres littéraires, l'autobiographie et le reportage, les deux genres étant d'habitude séparés, mais ayant ceci de commun, qu'ils ne sont pas de la fiction. Quand nous le lisons, nous savons que tout ce que nous lisons est vrai. Et c'est précisément ce qui nous plaît tant chez lui, comme si la réalité, si elle était décrite pleinement par un observateur qui se décrirait également lui-même, était plus intéressante que tout roman, que toute œuvre d'imagination. Est-ce parce que nous sortons d'un siècle cauchemardesque où aucun roman n'a pu se révéler à la hauteur des simples témoignages d'un Primo Levi ou d'un Solzhenitsyn ? Est-ce parce que des théoriciens ont déclaré et cru que nous ne pouvions plus donner foi aux romans classiques balzaciens ? Est-ce parce que l'individu des siècles démocratiques, comme l'avait prédit Tocqueville, est plus intéressé par lui-même que par des héros imaginaires ? Toujours est-il que notre époque goûte les autobiographies, les correspondances, les mémoires et les biographies ou les reportages, sans doute plus qu'aucune autre avant elle, et que le succès de Carrère s'inscrit pleinement dans ce courant. Mais l'un des commentateurs de Carrère, son collègue Michel Houellebecq, souligne dans un texte passionnant que des livres comme « D'autres vies que la mienne » ou « L'adversaire » posent un autre ensemble de questions philosophiques, et particulièrement la question de la morale. Non pas, explique Houellebecq, le trop fameux problème du mal, mais ce qu'il appelle le problème du bien. Dans un monde livré au mal et à la souffrance, comment le miracle de la bonté ou de la compassion est-il possible ? Le bien n'est pas difficile à connaître, disent Houellebecq et Carrère. En revanche, il est extraordinairement rare. Peut-être les deux questions philosophiques, celle de la fiction et celle de la morale, sont-elles liées. L'écriture de non-fiction, sur soi et sur le monde extérieur, est une manière pour l'écrivain de se confronter à la richesse et à la complexité du monde, et donc d'aboutir à une meilleure compréhension de lui. L'exigence littéraire est une exigence morale. Elle nous apprend à connaître les autres et nous rend nous-mêmes plus tolérants. Et espérons-le, plus sage. Merci beaucoup, Anastasia. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Et je remercie Isis Jourda qui a préparé l'émission aujourd'hui en compagnie d'Anaïs Isbert, de Marie Simon, de Colomba Grossi, de Sharon Oury, avec Géraldine Mosna-Savoie, bien sûr. C'est Nicolas Berger qui réalise cette semaine. À la prise de son aujourd'hui, c'était Jean Frédérics. On se retrouve demain pour les chemins du vendredi. Profession philosophe, c'est le titre de cette nouvelle formule des vendredis. Nous donnons chaque semaine la parole à ceux qui font vivre la philosophie et qui ont fait de la philosophie leur métier. Demain, ce sera la philosophe Elisabeth de Fontenay qui sera au micro des chemins de la philosophie. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, ainsi que cette série sur les philosophies du Japon aujourd'hui, c'est très simple. Rendez-vous sur le site de France Culture à la page des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, avec qui vous voulez, sur le support de votre choix, ordinateur, téléphone portable, tout est possible. Rendez-vous également sur les réseaux, Instagram, Facebook, Twitter, où nous attendons vos remarques et commentaires. À demain, 10h donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.